C'est fou, il y a trop de choix. Je voulais acheter un pantalon et je me suis retrouvée à acheter 10 articles. Je sais que j'ai déjà une robe noire, mais je vais pas mettre deux fois la même quand même. Oui, ok, j'en avais pas besoin. Mais en même temps, deux acheter le troisième offert, j'allais pas louper ça. Non mais c'est fou, je viens de l'acheter, c'est déjà troué. Non mais je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Ça me va pas du tout. Si ces phrases vous semblent familières, ce podcast est fait pour vous. Nous allons ici démêler les mécanismes vicieux et les enjeux environnementaux qui se cachent derrière nos vêtements. L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro, j'écoute. Une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur le podcast Agro, j'écoute. Je suis Romane et je suis en compagnie de Elsa. Bonjour. Et de Jeanne. Bonjour. Mais c'est donc mes camarades de Purpan. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la fast fashion parce que c'est déjà un concept qui nous tient plutôt à cœur vu que nous consommons tous des vêtements, mais finalement sans vraiment savoir ce qu'il se cache derrière, qui produit, où, combien de temps, le prix réel que vaut un habit. Donc voilà, nous avons voulu en apprendre un peu plus sur nos consommations et lorsque l'on dit textile, on entend souvent fast fashion. Elsa, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? La fast fashion, c'est une petite partie de l'industrie de la mode, ce qui signifie aussi mode rapide ou mode éphémère en français. Elle consiste en fait à produire et à vendre le plus possible à des prix le plus bas et avec un renouvellement rapide, voire très rapide, des collections. Je pourrais par exemple vous parler de ces grandes multinationales, Zara, H&M, Nike, qui au lieu des deux collections traditionnelles, sortent des nouveautés chaque semaine. Je pourrais aussi vous parler de l'ultra fast fashion et la célèbre marque chinoise Shein, qui sort des nouveautés tous les jours. Audrey Millet, qui est spécialiste historienne de la fast fashion, nous dit que si Shein décide de copier immédiatement la robe d'anniversaire d'une célébrité, il lui faut 48 heures entre la conception, la fabrication et la mise en vente. C'est donc très très rapide. Ah oui, en effet, mais du coup, en fait, la fast fashion, ça existe depuis quand ? Alors, si on fait un petit point sur l'évolution de la fast fashion, en fait, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, la mode, c'était encore quelque chose de peu répandu, pardon, un luxe réservé aux classes les plus élevées. On avait pour habitude de réutiliser, de réemployer et de réparer ses vêtements. Mais en fait, à partir de là, la mode, elle s'est démocratisée. La consommation de vêtements a augmenté et l'habillement représentait encore une partie plus importante du budget. Aujourd'hui, l'habillement représente une partie moins importante parce que les salaires et les prix ont baissé. Aujourd'hui, on dépense moins tout en consommant plus, c'est-à-dire qu'on consomme deux fois plus de vêtements qu'il y a 15 ans selon l'ADEME. Ah oui, ça paraît fou. Mais en fait, quelle a été la première marque qui a créé la fast fashion ? Voilà, comment c'est venu ? Alors, je pourrais te parler d'une des premières marques, c'est Zara. Zara qui est née en Espagne en 1975 avec pour principe de fabriquer des habits inspirés de modèles haut de gamme mais vendus à des prix beaucoup plus abordables. À partir de là, de nombreuses marques se sont créées sur le même modèle. Voilà exactement, c'est toujours le même modèle en fait. Cette industrie de la fast fashion réussit des prouesses en produisant des vêtements plus qu'abordables comme tu as dit et vraiment très très rapidement. Mais le problème c'est qu'il y a des coûts cachés qui sont énormes. Donc comme vous pouvez l'imaginer, il y a un coût social qui vient du fait que la production est délocalisée dans des pays en développement parce que la main d'œuvre est beaucoup moins chère. Donc là-bas, les ouvriers sont généralement sous-payés et travaillent dans des conditions extrêmement mauvaises. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais avec des draps sur les fenêtres pour éviter toute distraction, des lieux insalubres qui menacent de s'écrouler n'importe quand, pas de climatisation, des horaires intenables, enfin voilà. Donc on peut le dire, c'est de l'esclavage moderne. Et d'ailleurs, il y a plus de 170 millions d'enfants qui font partie de ce secteur textile qui sont exploités là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Et justement, c'est un peu ce qu'on entend tous les jours en ce moment avec notamment les Ouïghours, tout ce qui est esclavage moderne. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, on vous invite vraiment à vous intéresser sur les aspects sociaux et les, ouais, de la fast fashion. Mais nous, on avait plutôt décidé de parler de l'impact écologique de la fast fashion, parce que voilà, c'est au cœur de nos études d'agronomie. Donc on s'est dit qu'on était plus à même de vous parler de cela. Donc Elsa, je te laisse commencer avec les impacts environnementaux. Donc si on parle d'impact environnemental de la fast fashion, on a déjà ce chiffre qui est assez parlant, qui nous vient de la fondation Ellen MacArthur et qui indique qu'en fait l'industrie de la mode émet chaque année 1,2 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Pour donner une comparaison, c'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime mondiaux réunis. Ah ouais. Donc par exemple, si on prend l'impact carbone d'un t-shirt et ses émissions, en fait, le coût du transport et des infrastructures représente 2% chacun. Les matières premières représentent 30% de ces émissions et la fabrication représente 66%. Donc en fait, si on cumule ces deux derniers piliers-là, à savoir les matières premières et la fabrication, on atteint 96% des émissions de gaz à effet de serre. Ah oui, donc c'est vraiment les deux enjeux principaux. Ouais, exactement. C'est vraiment sur ces piliers-là qu'il faudrait travailler en priorité. Mais alors pourquoi ces deux piliers émettent beaucoup de gaz à effet de serre ? C'est notamment à cause de l'utilisation d'énergie pendant le processus de fabrication. Et en fait, on se rend bien compte que l'empreinte carbone d'un vêtement dépend beaucoup du type d'énergie utilisée. Par exemple, un t-shirt qui va être fabriqué en Chine, où l'énergie dépend principalement du charbon, aura une empreinte carbone 40% plus élevée qu'un même t-shirt qui sera fabriqué en Turquie ou en Europe. Ok. Mais il y a aussi le type de fibre en fait, qui va jouer son rôle là-dedans, puisque des fibres synthétiques qui sont issues de l'extraction du pétrole ont une empreinte carbone qui est beaucoup plus élevée que des fibres naturelles. Si je vous parle de polyester, de nylon, d'acrylique, ces termes vous semblent sûrement familiers. Et s'ils ne le sont pas, je vous invite à regarder les étiquettes de vos vêtements, vous verrez que vous aurez des surprises. Parce qu'en effet, 60% de nos vêtements sont fabriqués en polyester. Il faut savoir quand même qu'une chemise en polyester a une empreinte carbone qui sera 2,5 fois plus grande qu'une même chemise en coton. Donc peut-être que dans nos achats, on devrait privilégier des vêtements en coton. Je suis très d'accord avec toi à propos des fibres naturelles, il vaut mieux utiliser ça. Après, par rapport au coton, en vrai, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que si tu parles d'empreinte carbone, les vêtements en fibres naturelles ont une empreinte plus faible parce que pendant qu'elles sont cultivées, les plantes vont séquestrer du carbone dans le sol. Le coton et le lin, par exemple, c'est des fibres naturelles. Par contre, si tu parles de consommation d'eau et du coup, par conséquent, de concurrence avec l'alimentation, oui, l'utilisation de coton pose une réelle question. Parce qu'en effet, l'industrie de la mode consomme chaque année 79 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, pour vous donner un moyen de comparaison, 79 milliards de mètres cubes d'eau, c'est presque 16 fois la consommation d'eau des Français chaque année. Donc, plus de la moitié de l'eau utilisée par la fast fashion sert à l'irrigation de la culture du coton. Un exemple assez parlant, par exemple, c'est celui de la mer d'Aral, qui est une mer située en Asie centrale. Donc, depuis 1960, toutes les rivières qui devaient alimenter cette mer ont été détournées pour la culture du coton, pour l'irrigation de la culture du coton. Et depuis, la mer d'Aral a perdu 90% de son volume. Okay. Voilà. C'est assez impressionnant. Et donc, pour résumer, de toutes les fibres textiles, c'est vraiment le coton qui a la pire empreinte en eau parce qu'il cumule cette eau d'irrigation et aussi l'eau nécessaire au processus de fabrication. Parce que oui, il faut aussi de l'eau pour les opérations de blanchiment, pour la teinture, l'impression et pour les finitions. En tout, il faut 200 tonnes d'eau pour faire une tonne de textile. Du coup, globalement, 4% de l'eau potable disponible dans le monde est destinée à la fabrication de vêtements, d'autant plus grave dans les régions qui manquent d'eau, comme la Chine ou l'Inde, par exemple, où la fast fashion est responsable de grosses pertes en eau potable. Et c'est d'ailleurs justement dans ces pays, la Chine ou l'Inde, où la fast fashion est oui, la plus produite. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a des problèmes d'eau et en plus, il y a la contamination des eaux et des sols par l'industrie textile. Donc si le processus de teinture ou encore celui de l'encollage sont encadrés en Europe par la réglementation REACH, donc c'est la réglementation, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, en fait, ce n'est pas du tout le cas dans les pays en développement, d'où provient donc la fast fashion. On retrouve dans nos vêtements des substances hautement toxiques, comme le mercure, l'ammoniac, l'acide sulfurique ou encore d'autres métaux lourds. Et même si ces termes dangereux, en fait, peuvent nous paraître lointains, en fait, sachez que on les retrouve dans nos eaux. Donc 20% de la pollution des eaux mondiales serait due à la teinture et au traitement des textiles. En plus, la population locale utilise cette eau contaminée pour boire, se laver, irriguer leurs champs et se contamine du coup à son tour. Donc ça engendre beaucoup de maladies endémiques, des cancers, des infections cutanées. Voilà, mais les dégâts ne s'arrêtent pas à la production parce qu'ils continuent durant l'utilisation. Donc les vêtements continuent de polluer de par leur composition, comme on l'a dit plus tôt. Les fibres synthétiques, en fait, qui composent la majorité de nos habits, habits relarguent à chaque lavage des microplastiques qui seront ensuite déversés dans les sols ou dans les océans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 1,5 million de tonnes de microfibres plastiques sont répandues chaque année dans les océans. Donc, voilà, la pollution s'arrête jamais, quoi. Et du coup, voilà, il y a donc un enjeu qui est essentiel autour du choix des matières premières, mais aussi du processus de fabrication des vêtements. Après, au-delà de la production, c'est vraiment la surproduction qui pose problème et qui génère chaque année des milliers de tonnes de déchets. Tous ces déchets-là, on les exporte en masse en Afrique ou en Amérique du Sud, où ils vont s'amasser dans d'immenses décharges à ciel ouvert. Du coup, pour vous expliquer ce que j'entends par décharge à ciel ouvert, en fait, lorsque vous donnez vos vêtements usagés à une organisation caritative, vous savez qu'on les dépose dans la boîte à recyclage du magasin ou dans une borne dans la rue, on pourrait croire qu'ils vont être revendus à une friperie, par exemple, ou qu'ils seront recyclés en nouveaux vêtements. Mais en réalité, plus de la moitié de ces vêtements sont exportés dans ces pays, donc Afrique, Amérique latine, etc. Les volumes sont vraiment démentiels. Chaque semaine, la France envoie 15 millions de vêtements à l'étranger. Prenez l'exemple du Ghana, c'est encore pire. Le pays reçoit 10 millions de vêtements par an pour une population de 30 millions de personnes. Oui, et puis il faut aussi savoir que souvent, les vêtements qu'on envoie dans ces pays-là ne sont pas du tout adaptés à la population locale. C'est-à-dire que, par exemple, au Costa Rica, on retrouve dans les magasins de revente des centaines de vêtements chauds, de vêtements de ski, qui ne seront vraiment jamais achetés par les locaux. Oui. Voilà. Et en plus, les marchés locaux ne peuvent vraiment pas absorber de tels volumes. Il faut savoir que la moitié des vêtements sont trop abîmés pour être utilisables. Ces vêtements deviennent donc des déchets textiles dans des pays qui ne disposent d'aucune infrastructure de gestion de déchets. Les vêtements vont donc se retrouver dans les rivières, le long des berges, partout. Oui, et en plus, du coup, pour s'en débarrasser, j'ai cru comprendre qu'ils devaient les brûler, oui, c'est ça? Voilà, ouais. Exactement. Du coup, ils brûlent tout et la fumée qui s'en échappe, avec toutes les matières toxiques qu'il y a à l'intérieur, la fumée qui s'en échappe va nuire à la santé de toute la population locale. Et vraiment, c'est un fléau dans ces pays terrible. Et malheureusement, tous ces vêtements viennent bien de nos placards et de notre consommation parce que vous avez 245 000 tonnes de vêtements usagés qui sont collectés chaque année en France. Oui. C'est le poids de 24 tours Eiffel, si vous voulez une idée. Okay. Voilà, les invendus des magasins sont vraiment une toute petite partie de ces déchets. C'est entre 1 et 5 %. Ok, et juste du coup, tu as dit qu'en fait, au Ghana, chaque semaine, le pays reçoit 10 millions de vêtements. C'est ça, c'est bien chaque semaine? Oui, chaque semaine, exactement. Chaque semaine, ok, donc pour une population de 30 millions. C'est ça, toutes les semaines, il y a un habit, ouais, c'est ça. Ok. En fait, si je comprends bien, c'est vraiment un cercle vicieux. En fait, la surconsommation engendre cette surproduction qui entraîne tous ces déchets et incite à consommer à nouveau derrière. Enfin, voilà, ça s'arrête jamais, quoi. C'est ça. C'est vraiment le mécanisme, justement, de la fast fashion avec deux piliers délétères qui engendrent ça. Donc, le premier pilier, c'est les bas prix. Les bas prix, ils sont possibles grâce à la délocalisation, ce qui fait qu'on achète deux fois plus que dans les années 80, comme on l'a dit plus tôt. Donc, la délocalisation, ça permet donc d'avoir une main-d'œuvre moins chère. Et par exemple, au Bangladesh, un exemple plutôt aberrant, c'est que les ouvriers et ouvrières sont payés 0,31$ par heure, alors qu'en France, on est aux alentours de 13€. On a du mal à imaginer, effectivement. Oui, c'est ça. Et le deuxième pilier, c'est bien l'incitation à consommer. Alors, c'est donc la création de désir et notamment le renouvellement de ce désir. Donc, ça passe par le processus de nouveautés permanentes et rapides, des nouvelles collections toutes les deux semaines ou alors même tous les jours parfois, comme c'est le cas de Chine. Et aussi, l'ajout de références, le fait qu'il y ait énormément de références. Donc, Zara, par exemple, possède 10 000 références. ASOS, 100 000. Et Chine, un demi-million de références sont possibles. Quand tu parles de références, tu parles de nombre d'articles mis en vente sur le site, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou alors qu'on peut retrouver en magasin. Ok, ouais, c'est un demi-million. Okay. C'est énorme. Et bien sûr, donc, voilà, l'incitation à consommer, ça passe aussi par les soldes systématiques qui donc, incitent à cette consommation de par les promotions. Et justement, un vêtement sur deux est vendu en France en promotion. Et ensuite, plus récemment, il y a quand même les placements de produits qui ont un impact énorme via les influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux et les publicités sans fin. Donc vraiment, tout ce qu'on a compris dans cette première partie, c'est que le modèle de la fast fashion, il repose principalement sur une production qui est toujours plus rapide et moins chère de vêtements et qui s'appuie en fait sur la délocalisation des chaînes de production dans les pays en développement, qui fait de tout ça en fait une industrie qui est hyper complexe et qui empêche d'avoir la mainmise et le contrôle sur les différentes étapes de production et puis sur le respect des réglementations locales et puis des réglementations internationales plus largement. Par exemple, si on prend l'exemple d'un vêtement, Le coton qui le compose peut venir du Brésil, les fibres synthétiques des États-Unis, le fil va venir d'Inde, puis le textile, il est fabriqué en Turquie, pour finalement assembler le vêtement au Bangladesh. On voit que c'est un cercle, une boucle sans fin, et puis finalement, le vêtement est acheté aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni. Et du coup, toute cette complexité, ça fait que les marques et nous, consommateurs, nous ne sommes pas toujours conscients que nous participons, et je dirais même que nous alimentons, une catastrophe qui est d'ordre écologique et social. Donc dans cette deuxième partie, on va essayer d'être un peu plus positif et on va voir comment on peut agir à notre échelle. Quels sont les leviers au niveau de la consommation et puis surtout, quels sont les leviers au niveau de la production. Mais d'abord, on écoute River de Marcus Gadd. Eternally, forever it has been, forever it will be. One drop to the dead tomorrow in the sea. From a misty mountain, liberate your mind in a conscious social. Many thoughts are go by, no need to hold them. You just watch them flow by like a water fountain. This water you cry was once up in the sky and the road, in the plants and animals that live all the road. Same, who you gonna blame? Say nothing and all is the same. Like the river, hold on to nothing. What I am was not born, it is eternally. Forever it has been, forever it will be. One drop to the dead tomorrow in the sea. Like a water flow at the laws of nature. Bodies go back to the Hamas layer, but forever alive in the water. Egoless and free as the spirit of prosper. Was before still is and will be ever after. Holding on to nothing if it's made out of matter. Ancient of days, pure in always. Can't you see the love in this river showing? Rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Agro J'écoute, sur le podcast de la Fast Fashion, en compagnie de Elsa, Jeanne et moi-même, Romane. Dans la première partie, nous avons défini ce qu'était la Fast Fashion et ses conséquences environnementales. Maintenant, nous allons parler des leviers de consommation et de production. Commençons par la consommation. Un concept récent qui émerge doucement, c'est celui de la slow fashion. Ce concept vise à contrer le modèle de la fast fashion, qui est celui-ci basé sur la production de masse et standardisé, en mettant en avant la qualité des produits, la transparence de la chaîne de valeur, la responsabilité et les différents acteurs, le plaisir, tout en prenant en compte les limites des ressources qui sont à notre disposition. Donc c'est en ce sens que la mode éthique s'invite dans nos modes de vie et de consommation. C'est choisir de consommer moins, mais mieux, en privilégiant les vêtements issus d'une mode responsable. Alors cette démarche, elle concerne toutes les étapes de vie d'un vêtement, que ce soit de sa conception, en passant par sa production, jusqu'à la consommation et l'utilisation des vêtements. De plus en plus de marques d'ailleurs éthiques émergent et font leur place sur le marché, comme celle de Loom, qui a été créée par Julia Faure, dont nous vous parlerons plus tard. Donc la mode éthique tente de contrer cette voie dramatique que prend la fast fashion. Il s'agit par contre d'une solution long terme et un idéal vers lequel il faudrait tendre. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, en comparant le cycle de vie d'un vêtement issu de la fast fashion et celui qui est issu d'une production éthique, leur empreinte carbone ne sera pas significativement différente. Et en fait, c'est avant tout la quantité astronomique produite le réel problème. Donc ce que tu nous dis, Romane, c'est qu'il faudrait arriver à consommer moins et mieux, mais si possible. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas non plus l'obligation immédiate que tout le monde consomme de la mode éthique. Okay. D'une part déjà pour le prix, enfin, on est bien placé en tant qu'étudiant peut-être pour en parler, mais voilà, il ne faut pas culpabiliser les personnes qui n'ont pas l'argent de consommer éthique, et d'autre part parce qu'en fait la vraie question c'est bien de consommer moins. Moins consommer, ça passe aussi par la réparation des vêtements, leur réutilisation. Cette mode rapide, la fast fashion, est tellement influencée par la pression marketing, la pression sociétale, qu'en fait on se débarrasse vite des précédents vêtements et, parce qu'ils sont démodés ou alors malheureusement parce qu'ils sont abîmés car la qualité est moindre. Donc malheureusement, les habits étant majoritairement aussi des mélanges de matières, ils sont difficilement recyclables. C'est un cercle vicieux et voilà, et la France jette 700 000 tonnes de textiles par an. Donc l'urgence immédiate pour les consommateurs en tout cas, c'est de faire avec l'existant et de moins consommer, même les marketiques d'ailleurs. Voilà, exactement. Par contre, tu parlais de marketing. Je pense qu'il faut aussi vraiment faire attention au greenwashing. Ouais. Donc le greenwashing, tu veux peut-être rappeler ce que c'est. C'est une technique en fait, de marketing qui est utilisée dans le but de se donner une image écologique trompeuse. Donc les entreprises qui font du greenwashing mettent en avant en général des préoccupations écologiques qui sont en général bien loin des actions réelles. Donc l'argument écologique est donc une publicité mensongère qui sert à déculpabiliser et incite à acheter encore plus. Okay. Donc cela permet de calmer l'éco-anxiété du client, du consommateur, qui est malgré tout conscient des problèmes environnementaux. Du coup, s'il a l'impression de ne pas abîmer la planète en consommant, alors il est libre de consommer encore plus. Et l'éco-anxiété, d'ailleurs, c'est un problème sociétal actuel dont nos camarades Juliette et Manon vous parleront dans cette saison d'AgroJécoute. Oui, c'est vrai, voilà. Sur le greenwashing, du coup, c'est difficile à déceler quand même parce qu'ils ne s'appuient pas sur des choses qui sont fausses, mais souvent sur des choses qui sont anodines. En fait, on va essayer de détourner votre attention des réels problèmes parce que ce n'est pas suffisant de mettre des sacs en papier à la place des sacs en plastique dans les magasins. C'est bien, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Et ça devient un argument marketing. Du coup, par exemple, si vous voulez un exemple concret, je peux vous parler du géant H&M, qui est un des champions dans ce domaine. Par exemple, avec sa gamme Conscious, qui est une collection qui se veut vraiment éco-responsable, éthique, vous pouvez trouver des tons verts, neutres, naturels, etc. Vous pouvez trouver des phrases qui vont sembler responsables et écolo, comme une qu'on retrouve sur beaucoup d'habits, « There is no planet B ». Il n'y a pas de planète B. Voilà, exactement. Du coup, voilà, vous avez tout qui va vous sembler responsable. Mais, et donc, pour qu'un article bénéficie de l'étiquette verte de la gamme, il va falloir qu'il ait au moins une part de matière plus responsable, comme 20% de coton recyclé, par exemple. H&M va vous affirmer que ce sont des pièces qui sont créées dans le respect de la planète, etc. Seulement, la grande nouveauté de cette gamme, c'est surtout le système à points qui permet d'accumuler des crédits à chaque fois qu'on dépose un vêtement dans la benne de recyclage, je mets des guillemets à recyclage, du magasin, et qui nous permettront d'acheter des nouveaux habits après. Donc c'est encore un moyen d'inciter à la consommation, tout en déculpabilisant le client de jeter des habits à peine utilisés. Oui, donc c'est vraiment toujours dans ce même mécanisme de la fast fashion. On crée du désir. Voilà, on crée du désir, exactement. Et en plus, il est presque impossible de savoir en quoi consiste ce fameux recyclage. Parce que même si l'entreprise affirme que 50 à 60% des vêtements sont revendus pour être reportés, eh ben, elle ne va pas vous dire à qui ils sont revendus, ni où. Enfin voilà, ça ne vous dit pas à qui ni où. Donc c'est tout à fait possible que ces habits finissent sur une décharge au Chili ou au Ghana, comme on en parlait plus tôt. Ah oui, d'accord. Donc ça fait un peu peur. Est-ce que tu peux me dire comment on pourrait démêler le vrai du faux dans tout ça ? Ben, oui, justement, c'est super. Très compliqué de faire la différence entre les vraies informations et du greenwashing. Déjà, il faut faire très, très attention aux mots qui sont employés. Par exemple, on va vous mettre en avant, on va vous vendre un produit parce que, je sais pas, il est 100% en coton naturel, par exemple. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a rien de d'éco-responsable d'avoir un coton 100% en coton naturel. Ouais, c'est juste normal. C'est normal. C'est pas comme si on vous disait qu'il était biologique, par exemple. Donc, dans la même idée, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Fashion Pact. C'est, en fait, c'est en 2019... Il y a un grand nombre de marques leaders de l'industrie de la mode qui sont engagées en faveur du climat. Donc beaucoup de ces initiatives consistent uniquement à réduire les niveaux de consommation des infrastructures ou rendre les matériaux plus éco-responsables. Alors qu'on l'a vu avant, comme Elton nous a dit, ça correspond uniquement à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Du coup, la réglementation du Fashion Pact, mais aussi en général, par exemple, sur la loi sur la publicité mensongère, c'est souvent une loi qui va être des conséquences réputationnelles et non pas correctionnelles. Du coup, en fait, ça veut dire qu'il n'y a aucune conséquence réelle pour les marques, mais simplement la diffusion de l'information pour dénoncer les fautifs. Ah oui, ok. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, que certains organismes militent et s'allient, en fait, pour une réglementation plus sévère et plus transparente pour les producteurs de vêtements. Alors il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens. On peut parler par exemple du Moral Score, qui est une application qui vous aide à choisir des marques qui vous correspondent en fonction des critères qui vous semblent le plus importants. Oui. Ça peut être l'environnement, l'innovation, le respect des conditions de travail, etc. Et on peut aussi citer le mouvement Who Made My Clothes et son hashtag Inside Out, qui a été viral en fait sur Twitter pendant quelques jours et qui a permis de sensibiliser les consommateurs à cette approche-là et à plus de transparence en fait dans le monde de la mode. Enfin, peu importe le vêtement utilisé, il ne faut pas oublier qu'un vêtement a un coût moral, social, environnemental, etc. Nous n'allons pas parler aujourd'hui beaucoup de l'entretien du vêtement, mais rappelons quand même qu'il est important de prendre soin de chaque vêtement à travers de son utilisation, de son lavage, ne pas hésiter à le réparer ou à détacher cette tache de vin rouge qui s'incruste sur votre chemise au dîner, au lieu de jeter tout simplement la chemise. Pensez également aux échanges entre copains, c'est convivial et vous serez surpris de voir à quel point un vêtement que vous n'aimez plus fera plaisir à quelqu'un d'autre. Ouais, t'as bien raison, Elsa. C'est vrai. Passons maintenant à la production et puis parlons un peu des leviers qui concernent cette étape-là, parce qu'en fait il faut transformer le modèle en profondeur. Nous allons vous faire écouter l'extrait de Julia Faure qui a été interviewée dans le média Blast et qui se bat pour une transformation sur la production, mais politiquement, parce que ça passera, la partie... consommation est importante, mais la partie production dépend beaucoup de la politique. Ouais. Donc Julia Faure, elle est co-créatrice de la marque éthique Loom et fait partie du collectif En Mode Climat, qui se bat pour la régulation de la fast fashion et de l'industrie de la mode en général. Donc voici cet extrait. Alors, moi, je tiens à préciser déjà qu'on n'est pas du tout une ONG, on est vraiment un collectif de patrons. Enfin, on est des chefs d'entreprise, on est des marques, et ce qu'on demande... c'est parce que la situation est extraordinaire. C'est parce qu'on est dans une telle urgence écologique qu'on demande des mesures qui nous empêchent, nous, de faire... qui nous forcent, nous. Et ce qu'on demande indirectement, c'est... Ce qu'on dit, c'est on est d'accord pour faire moins d'argent, pour faire moins de croissance, pour faire moins de profit, à condition que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Et si c'est ça qu'il faut faire pour faire notre part dans la lutte contre le changement climatique. C'est ça qu'on fait. On n'est pas du tout des ONG qui demandons de l'extérieur. Ouais. Nous sommes les propres acteurs de notre industrie qui demandons des régulations. Et je pense que notre avantage en termes de propositions réglementaires à cet endroit-là, c'est qu'on va demander effectivement des réglementations qui sont réalistes, puisque c'est nous qui allons les subir au quotidien. On demande des choses qui s'appliquent à nous-mêmes. Et globalement, ce qu'on demande, c'est des choses qui... rendre obsolète le modèle de la fast fashion. Bon, bah c'est vraiment toujours percutant. Ouais. Ça résonne vraiment avec l'idée de créer un collectif, ça semble vraiment indispensable. Et en fait, le combat du collectif, il prend tout son sens quand on voit la nécessité d'agir sur les impacts environnementaux de la fast fashion. Agir à l'échelle du consommateur, c'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant. Et pour agir sur leur surproduction en général, il est vraiment nécessaire d'agir collectivement et politiquement. Donc ce collectif En Mode Climat, il réunit 531 marques qui demandent des mesures drastiques pour faire réguler la production de textiles globales, marques éthiques comprises. Pour se faire connaître, ils ont d'ailleurs publié une tribune dans Le Monde qui a pour titre « Nous, marques textiles, demandons à être plus régulées ». On va donc vous présenter les trois piliers sur lesquels se basent les propositions d'un mode climat. Tout d'abord, réduire le volume de vêtements neufs mis sur le marché, relocaliser la production, réutiliser et réemployer. En fait, il faut bien comprendre qu'il est difficile pour des entreprises de décider d'elles-mêmes de relocaliser leur production, car elles se soumettent dans ce cas à une concurrence déloyale. Ouais. Comment peuvent-elles être compétitives sur le marché face à d'autres marques qui, elles, produisent dans des pays en développement où les coûts de production sont jusqu'à 5 fois moins élevés ? Est-ce que c'est de ça que Julia Faure parle quand elle parle de prix, quand elle évoque la Primovis ? Oui, tout à fait. En fait... Quand elle parle de Primovis, elle tente d'expliquer qu'aujourd'hui, il y a un avantage compétitif à mal faire. Plus une entreprise pollue, plus elle est compétitive. Du coup, concrètement, le collectif demande des mesures qui soient applicables à tous les industriels du textile. Il souhaite, par exemple, augmenter les prix des produits les plus low cost pour sortir de l'ère du jetable par la mise en place de taxes. Il souhaite aussi diminuer les incitations à consommer liées, on l'a dit, à la fréquence des collections, aux publicités omniprésentes ou aux promotions. Pourquoi alors ne pas imposer un rythme de collection limité et un nombre de références ouais, maximales ? Pourquoi pas, oui. Voilà. Le collectif demande aussi la mise en place de tarifs douaniers pour favoriser les pays où le mix énergétique est moins carboné et relocaliser les productions si possible. Et donc pour cela, le collectif propose deux solutions qui sont l'éco-contribution et l'affichage environnemental. Et justement, bah, au sujet de l'éco-contribution, je vous en parle un petit peu. En fait, c'est l'aspect financier, enfin c'est l'aspect de contribution financière des entreprises. Okay. En fait, la filière textile fait partie, depuis 2007, des filières qui sont tenues de participer au traitement des déchets qu'elles génèrent. C'est dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi de responsabilité élargie du producteur. Donc cette participation qui existe déjà, c'est l'éco-contribution. Elle est fixe par catégorie de vêtements et elle ne prend pas en compte en fait, ni le lieu de production ni l'acheminement. Par exemple, pour une grande pièce comme un manteau, par exemple, elle est actuellement de 6 centimes, quel que soit le manteau, quelle que soit la marque. Voilà. Okay. Donc le collectif demande la révision de l'éco-contribution de façon à ce qu'elle prenne en compte les émissions de gaz à effet de serre de chaque article et aussi qu'elle punisse les incitations à la consommation. Donc promotion récurrente, publicité, renouvellement rapide des collections. Donc l'éco-contribution, du coup, pourrait alors faire... Enfin, dans l'idéal, elle pourrait atteindre jusqu'à 5 euros par article pour les marques ayant les plus mauvaises pratiques, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ouais, c'est sûr. Voilà. Est-ce que c'est la même chose que l'affichage environnemental ? Non, justement, l'affichage environnemental, ça, pour le coup, c'est la partie transparence des pratiques. Il pourrait pénaliser les modèles de la fast fashion en prenant en compte le nombre de références et aussi le nombre de références pour chaque marque et aussi l'indice de réparabilité. Du coup, déjà, le nombre de références, ça joue un rôle au niveau de la durabilité émotionnelle du vêtement. C'est l'attachement émotionnel que le consommateur va porter à cet habit. Plus la durabilité est importante et moins on aura envie de remplacer ses vêtements. Et les grandes enseignes de la fast fashion n'aident vraiment pas parce qu'en fait, elles attisent le désir via les nombreuses collections, les promotions quasi permanentes, etc. Et du coup, la solution serait de pénaliser les marques qui proposent plus de 10 000 références. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'indice de réparabilité. Ça sert à favoriser les marques et les produits qui seront réparés au lieu d'être directement jetés. L'idée serait de pénaliser les produits qui ne coûtent pas assez cher, entre guillemets. Pour juger de cet indice de réparabilité, il faudrait évaluer si le prix neuf est bien supérieur à deux fois le coût de la réparation. S'il est inférieur à deux fois le prix de la réparation, ben, ça veut dire qu'il n'est pas assez cher et que du coup, le consommateur n'est pas incité à réparer. Okay. Donc l'indice de réparabilité sera un mauvais indice, ce sera mauvais. Donc ces deux indices devraient servir à avoir un affichage environnemental qui est plus représentatif, qui prend aussi en compte la quantité avec le nombre de références et aussi la qualité produite avec l'indice de réparabilité. Car comme nous vous l'avons dit plus tôt, il n'y a pas de très grande différence entre l'empreinte carbone d'un t-shirt éthique et l'empreinte carbone d'un t-shirt de la fast fashion. Du coup, ces deux indices qui sont proposés permettent une meilleure transparence de production. Merci pour cette partie production. On voit, et même consommation, on voit à quel point l'industrie de la fast fashion est basée sur un modèle bien rodé et difficile. Et on voit aussi que les aspects de production pourront peut-être changer, mais à l'échelle politique. C'est possible. Donc, il est temps pour nous de conclure. Comme nous l'avons vu, la fast fashion a un réel impact environnemental, que ce soit les déchets, les eaux, les épuisements des ressources ou les gaz à effet de serre. Le bilan est lourd et quand même difficile à déceler. Mmh. C'est pour cela qu'on a essayé, au travers de ce podcast, d'expliquer les leviers d'une consommation plus responsable. Mais on a bien vu quand même que cette consommation engagée, consommateur, comme on l'entend de nos jours, ne sera pas viable sans un changement de la production. Les grandes enseignes de fast fashion, comme les marques éthiques, doivent prendre le virage et quitter ce schéma de surproduction avant tout. Donc, on l'a vu, les collectifs comme En Mode Climat ou encore les mouvements sur les réseaux sociaux se battent pour rappeler que la mode a un coût, qu'il soit moral, social ou environnemental. Même si le combat est encore long dans un mécanisme de la sorte, nous espérons que ce podcast vous aura un peu éclairé sur l'industrie de la mode et sur la manière de consommer et utiliser nos vêtements. Nous vous invitons vivement à écouter Julia Faure dans d'autres interviews qui s'engagent sur le combat de la fast fashion. Et puis, merci à l'École d'ingénieurs de Purpan, la région Occitanie, partenaire de l'émission, à Campus FM de nous avoir accueillis dans nos studios, et à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute. En tout cas, c'était notre première expérience. Ouais. Et c'était, on a pris beaucoup de plaisir, je pense. Et puis, c'était aussi notre dernier travail de groupe, donc on finit en beauté. Merci. Merci.